êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. C'est comme ça que ça commence ce matin! Qu'est-ce que t'as le matin, toi? Hey! Ça va, François? Ça va bien, toi? Oui, bon matin, bon mercredi 5 décembre 2012. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, c'est François Olivier. Et bienvenue à l'Assemblage Requis, qui est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières pour la première fois aujourd'hui. C'est comme ça? Ah, pour la première fois aujourd'hui, tu t'as tout à fait raison. C'est jamais arrivé pendant 400 quelques fois avant ça. Jamais. Presque 500! Donc aujourd'hui à l'émission, François-Olivier, notre plan est comme toujours des plus chargés. On va commencer ça en beauté tout à l'heure dans quelques minutes avec un invité spécial que je t'ai pas annoncé avant. Ah non? T'as oublié? Non. On va parler, du CES, le Consumer Electronics Show, qui s'en vient en janvier. On va en parler avec Sylvain. Oh! Sylvain! Génial! Ça, c'est vers les... Ça va être vers les 7h20, carré 20, c'est quoi? Ça devrait en tout. Parfait. Ensuite, à 7h45, on aura Anne-Julie Durocher. Oui, en fait, non. Ben, tout le temps, à chaque semaine, on sait jamais laquelle. Je devrais pas les annoncer, hein, ça. Non, mais en fait, je sais pas. Peut-être, en fait, elle m'a texté hier et puis elle me disait que ça se pouvait. En fait, elle était supposée me donner une nouvelle chose que je n'ai pas encore. Mais c'est ça. À chaque semaine, c'est un guess, hein? C'est un guess. Si tu me permets d'arriver en retard, je vais être là pour parler de films de Noël. Si elle est en retard, sais-tu quoi? Non? Ça m'arrangerait bien gros. Ok, bon. Je crois que ça arrangerait Sylvain Ricard aussi pour le CIS. Mais bon, on va lui dire d'arriver en retard. On va lui dire ça. Ensuite, à 8h et quelques, on aura la présence de Jasmine Raymond-Drainville pour sa chronique sur la GEQTR. Oui. La Jocatera. La Jocatera. Et à 8h30, en fin d'émission, on a Maxime Bilodeau. Évidemment. Tout à fait. Tout à fait, comme à chaque mercredi. Et une des chroniques des plus intéressantes, ma foi. Veux-tu en savoir plus sur sa chronique? J'aimerais ça. Je vais en parler. Je sais qu'il nous parle de sucre. Ouais, le méchant sucre. Le méchant sucre. En croire certains individus consciencieux de notre santé, la surconsommation de cette douce substance serait responsable d'une foule de problèmes, le plus connu étant évidemment l'obésité. Les plus extrêmes ou alarmistes, c'est selon les gens, cela, vont même jusqu'à comparer le phénomène à celui de l'alcool et de la cigarette. Mais qu'en est-il vraiment? Cette semaine, dans le cadre de la chronique d'une foulée à l'autre, on va faire un bref, mais néanmoins complexe tour d'horizon de la question. Et on va se demander si, oui ou non, il y a bien lieu de grimper les rideaux face à ce phénomène. C'est donc à 8h30, c'est d'une foulée à l'autre. Génial. Voilà. Donc, c'est l'émission d'aujourd'hui. Je pense que ça va être quand même pas mal rempli de différents sujets variés. Là. Ça devrait. Ça devrait. Alors, on va commencer l'émission avec un groupe qu'on a reçu dans nos studios la semaine passée. Bears of Legend. Ouais. Avec leur nouvel album Good Morning Motherland. Voici The Mornings I've Let You Down. Assemblage requis. Bon matin. Bonne émission. Que c'est le plus. They never come clear. All money, religion.

well as strong, and use my head alongside my heart, so tame my flesh, fix my eyes, a tethered mind free from the lies. Mumford & Sons et la pièce I Will Wait. Wow, wow, wow, wow. De rien, bienvenue. Ça fait plaisir. Ben oui. C'est sur leur nouvel album Babel, B-A-B-E-L. C'est ça? Oui, bien sûr. Exact. Vous êtes à Assemblage Requis à 7h14. Ce qu'on va entendre maintenant, c'est du Waving Hand. On a écouté lundi, en fin d'émission, vous vous rappelez peut-être la pièce Bonne nuit, mon cœur. En fait, c'est un classique d'Assemblage Requis. Je vous dirais que si on avait... On pourrait quasiment avoir une genre de liste de classiques d'Assemblage Requis. On pourrait faire ça sur le blog. Là, hey, ça serait pas pris. Ouais, hein? Ou sinon, à la fin de l'année, c'est une bonne idée. Ouais, ouais, ben exactement. Écoute, on va parler un peu des albums qui ont retenu notre attention. Oui. D'ici la fin de l'année. Là. Est-ce que toi, il y a beaucoup d'albums qui ont marqué ton attention? Parce que j'ai l'impression que la musique, à part les palmarès, hein, on joue pas mal les mêmes affaires. Pas tant que ça, mais écoute, il y a des trucs que t'as plus aimé que d'autres, ouais. C'est sûr. C'est ce qu'on veut savoir. Ben, c'est ça. C'est ça, je pense. Puis en fait, pas vraiment compliqué non plus. Non, mais non, on regarde ce qui est sorti. Puis... Exact. C'est ça. Mais Waving Hands, ça date pas de cette année du tout. Non, non, c'est vieux. Hein. 2010? 2011? Je sais pas, ça le dit pas. C'est une des seules affaires que iTunes ne dit pas dans mon affaire ici. Mais par contre, c'est ça. On écoutait Bonne nuit, mon cœur lundi et une autre pièce de leur Maxi Places que j'apprécie moi beaucoup, c'est The Man Living on the City Landfill Site. OK. Pièce difficile à dire, mais donc bonne à écouter. Et la voici à l'instant. Assemblage de qui? We'll There's been a lot of talk of love, but that don't amount to nothing. You can evoke the stars above, but that doesn't make it something. And the only way to last, and the only way to live it, is to hold on when you get love. Sécuritaire, ne regarde pas derrière ni devant, ferme du poisson au poison. Faut casser la farandole de ces troupeaux d'hommes froids, débarquer de la course folle, puis faire entendre nos voix. La dans le miroir fracassé, et le peuple baisé dur, pendu à leur collier. Quand mes frères restent couchés, je me demande si je dois continuer ou partir comme la fumée. Mais je peux pas bouger. Fait quand la ville se réveille dans les klaxons, j'mets mes bouchons, pis mes bottes en peau d'animaux, j'pars à chasse aux salauds. Autour, on parle d'électronique dans la chronique CNX à Assemblage Requis. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou. Vous êtes assez fou. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Qui construit votre journée à partir de matériaux de qualité. Assemblage Requis se poursuit jusqu'à 9h. 7h29 minutes à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. Hein? C'est le slogan de l'émission, on pourrait dire l'émission pour les gens qui sont de bonheur, de bonne humeur. De bonheur, de bonne humeur. Comme de bonne humeur, c'est piton. Hein? Il y a quelqu'un qui essaie de se réveiller et de parler encore plus fort. Est-ce que tu veux que je te t'alloche d'en face? C'est ça que tu veux. Maintenant, on va parler de technologie et de choses geeks. Et quand on parle de choses geeks, par défaut, on n'a pas le choix. On met ça dans la chronique CNX. CNX.com. Excuse-moi, comment? Qu'est-ce que t'as dit? Veux-tu que je sois collé dessus? Bien collé. Comme ça, c'est pas pire. Oui. Ouais, OK. Donc, Sylvain Ricard est avec nous pour parler du CES, le Consumer Electronics Show, qui s'en vient à Las Vegas au mois de janvier. Oui, c'est en janvier. Cette année, c'est du 8 au 11. Il insiste bien gros qu'on dise maintenant le International, le Consumer Electronics Show. Le ICES. Oui, hein? Monsieur. Le ICES, ça me laisse froid comme nom. Ice, glace. Oh! Bienvenue à Assemblage Requis. Donc, Sylvain, tu te présentes au CES depuis combien de temps? Ça fait quand même longtemps. Non? Oh, c'est pratiquement ma 10e année. J'ai commencé en 2004 et 2013, parce que c'est toujours notre petit cadeau de Noël. C'est ni plus ni moins que, plutôt qu'aller à Disneyland, les geeks comme nous autres aiment mieux se rendre là. C'est le Geek Disneyland, si oui, monsieur, parce que je voudrais au début comparer par un enfant qui va dans une boutique de bonbons, mais une boutique, c'est relativement petit. Donc ouais. Mais pourquoi dire juste les enfants? J'y vais à toutes les semaines au magasin de bonbons. Bon. Pourquoi est-ce que tu vas au CES et grâce à qui, si tu veux en profiter pour remercier les gens pour qui tu travailles? Si tu veux, t'es pas obligé. Non, il n'y a pas un malaise. Là, comme je dis, j'essaie encore de me réveiller à 7h30 du matin. Montre-t-il ici sur sa montre qu'il n'a pas physiquement sur sa personne? Oh, les montres, on nous en donne une quantité industrielle là-bas tellement c'est que ça, on ne les porte plus. Ben, c'est des gadgets. Dans le fond, le CES, c'est une place où les fabricants de produits électroniques se rassemblent à chacun leur table dans des petits kiosques et te donnent des cossins pour que t'en parles. J'ai entendu le mot petit. Excuse-moi. Désolé. On prendrait des compagnies comme Samsung, comme Sony. Maintenant, Microsoft a décidé d'abandonner parce que ça rentrait plus apparemment dans leur lancement à eux autres. Mais une compagnie comme Samsung, je te dirais que... Ah, il y a des dépenses d'argent, là. Écoute, ça doit être énorme. Oui, oui. Le pavillon Suzor côté ici, c'est à peu près la grandeur juste du kiosque de Samsung. Okay. Donc, de là dire petit kiosque, désolé de... C'est pas des petites tables comme dans comme à l'Expo de Trois-Rivières, là, où tu lances les balles. Où est-ce que tu pourrais comparer ça un peu à des petites tables? Il y a une... parce qu'il y a plein de sections parallèles. Parce que le... Las Vegas Convention Center, qui est quand même énorme. L'ensemble, c'est 1 300 000 pieds carrés. On compare ça à pratiquement 50 terrains de football. Et là, je ne parle que du côté officiel. Il existe aussi d'autres endroits, le Storage Region, le Showstopper, le Digital Experience, le Pepcom, qui sont d'autres petits salons qui gravitent autour pour les gens qui ne peuvent pas justement, les compagnies, pardon, qui se ne peuvent payer. Pas. Oui, ben, parce ça. Que ça coûte cher. C'est énormément cher. Un petit peu comme on compare que les gens, bon, on vient de passer le Black Friday. Pour ceux qui sont pas encore au courant, le Black Friday, le principe, c'est pour dire qu'on passe du rouge. Donc là, on commence à faire de l'argent. Oui, c'est okay. ça. Pour les fêtes, on essaie de remonter notre profit avant la fin de l'année financière. Donc, il y a plusieurs, on va les appeler les startups, des compagnies débutantes qui vont là justement pour se faire un nom. Donc, eux autres aussi ont maintenant, et ça grossit d'année en année, leur petit salon à eux autres. Et par petit, c'est relatif quand on dit petit dans cet endroit-là. Oui, exactement. Donc, c'est ça, les commerces vont là pour montrer leurs nouveaux produits, montrer les avancées technologiques qu'ils ont fait pendant l'année, en espérant que ces produits-là puissent tous sortir sur le marché au cours de 2013. Oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore de distributeurs et vont là et qui veulent accrocher des distributeurs. Ils veulent qu'on parle de leurs produits justement pour... pouvoir entrer sur le marché un petit peu comme si on regarde une émission comme Dragon Den qui appelle en français L'œil du dragon. Quelque chose comme ça. C'est un dragon puis il y a une partie de son corps. Oui, monsieur. Ouais, donc c'est ça, les commerçants vont là et à chaque année, il y a des produits qui sont annoncés là en premier et là qu'on attend pendant des mois et des mois puis à un moment donné, on est content de les voir. Oui, tellement que les annoncements, si on regarde une compagnie comme Casio, c'est directement les présidents japonais qui viennent sur le plancher pour nous parler et pratiquer leur anglais. Des fois douteux. Et c'est pour ça qu'il faut, quand on est qu'on est fanatique de gadgets, qu'il faut absolument suivre les blogs qui en parlent parce que c'est pas nous qui allons pouvoir se présenter nous-mêmes à le grand public. Là, toi, t'es peut-être au-dessus de ça, le grand public. Oh. Mais moi, je le saurais pas si je lisais pas les blogs. Excuse, ma voix n'est pas encore au point, problème. Mathieu. Bon, des gens comme toi, ils seront peut-être très heureux de te recevoir, là. j'aimerais ça pouvoir y aller. Donc, quelle catégorie de produits t'attire toi le plus au CIS? Quel kiosque, est-ce que tu vas en premier, là? Fou, directement à fil. Le mot fil est... Exact, mon ami, parce que si on considère... Non, t'es toujours juste... Merci, ça a l'air vrai, du même. Parce que, bon, il y a 147 000 personnes qui se sont rendues l'année qu'on vient de passer, là, et je ne compte pas les 2500 journalistes qui se rendent sur place. Donc, des fils, on compare encore ça à Disneyland, c'est le même principe de fil. Ouais. Et tu peux essayer, tu peux... Oui, parce que bon, ils sont pas stricts à ce point-là. Si tu t'inscris d'avance, ton inscription va être gratuite. Maintenant, je crois que c'est 100$ et si c'est on-site... C'est le coût d'entrée? Le coût d'entrée, oui. OK. Et est-ce qu'on peut essayer les gadgets? Exemple, Samsung, j'imagine qu'ils vont sortir un nouveau téléphone. Oui, ben si on parle de Samsung comme l'année dernière, parce que je peux pas parler du futur, je suis pas... Non, malheureusement, on est pas rendu là. C'est bien d'autres. Je m'appelle pas Mathieu Plante pour le futur. Hipster. Mais des compagnies, justement, comme Samsung, qui ont plusieurs kiosques et non pas juste un. OK. Mais Il y en avait un l'année passée où est-ce que c'était pour les lancements de... On connaît tous la série Galaxy avec leur léger problème avec une autre compagnie que j'oublie le nom qui débute par A. Mmh. Ouais, qu'un fruit comme icône. Oui, il n'est pas complet le fruit. Non, c'est ça, il en manque de bouffer. Donc... Pour ce lancement-là, il y avait une file épouvantable parce que justement, il y avait des gens pour mousser qui, ni plus ni moins, dessinaient sur un gaminet, un t-shirt, ouais. Sur un gaminet. Toi-même avec le nouveau Galaxy où il y avait une autre compagnie, ben compagnie, un équivalent de AT&T, je pense que c'était Verizon. Ou est-ce que le jeu, c'était de prendre une petite poupée Android? On se rappelle à quoi ressemble le logo. Un petit toutou qui représentait l'Android. Et si on réussissait à prendre ce toutou, on avait un téléphone de Galaxy de la compagnie. Et tu le donnais? Oui, tu le donnais. C'est fun. Depuis le temps qu'il va être donné que c'est la capitale du jeu, ils basent sont forts là-dessus. Ils sont forts là-dessus. Donc là, j'ai appris que si tu vois, même si on n'est pas gambler du tout, si tu vois une roulette quelconque... Tourne-la. Tourne-la et tu peux... Oui. Ou la compagnie Intel, l'année dernière, à leur conférence de presse, à la toute fin, ils disent, qui aimerait avoir le nouveau bloc-notes? N'importe quoi, le nouveau crayon, tu lèves ta main. Voilà. Là. Bon, sauf bien entendu, comme c'est un quelque chose, on va dire, à 5 000 $ pour faire un chiffron, on n'a pas pour tout le monde. Mais regardez donc sous votre chaise. Oh. Ah, ça, c'est, on entend souvent parler, parce que c'est ça, aux conférences, des fois, les compagnies vont vraiment focusser, parce que c'est des journalistes qui sont souvent là, puis ils se disent que si on leur donne un produit gratuit, ils vont en parler en bien. C'est ça, non, mais oui. c'est un peu comme des ils vont en parler. Fin. Oui, c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'aux États-Unis, ils ont sorti pour les blogueurs qu'ils ne peuvent pas recevoir. S'ils reçoivent un cadeau de plus de 50 $ de valeur, ils doivent l'indiquer sur leur blog. Ben, comme ça, de c'est quoi, normal. Que... c'est normal. Il faut que ce soit écrit. C'est pas commandité, mais au moins, tu as reçu une faveur. Ben, oui, c'est sûr que là, ça va mal leur dire. Oui, j'ai écrit sur votre produit que j'ai vraiment pas aimé. Ben, c'est ça. Donnez-moi-en un autre l'année prochaine. C'est sûr que ça, c'est une autre affaire. C'est si tu te mets à dos la compagnie, c'est pas mieux pour toi. Mais en même temps, si tout le monde jouait selon les règles de déclarer, c'est comme les journalistes à la télé qui sont mariés avec un politicien, n'importe quoi. Faut qu'ils le disent avant, tu sais. Parce que sinon, c'est biaisé comme opinion. Ton journalisme n'est pas crédible, tu sais. Il me semble, en tout cas, c'est mon avis. Peut-être que c'est pas Je crois que la plupart des gens la partagent, sauf ceux qui en profitent. Ben, c'est ça, exact. Bon point. Ceux qui sont journalistes là-dedans doivent pas vouloir le dire, parce qu'en effet, dans ce temps-là, c'est plus difficile de dire la vraie opinion. Parce que c'est ça, il y a des journalistes que je rencontre là-bas que je nommerai pas de certaines émissions. La dernière lettre de l'alphabet. Wow! On l'a pas dit. Et ils sont beaucoup plus sympathiques à la télé qu'en réalité. C'est burn, hein? Ça, c'est... Je pensais pas vivre ça matin. Aucun problème à le dire. Y a-t-il des belles lunettes, par contre, les gars? C'est ça? Oui, ils sont pareils comme les miennes. OK. Donc, toujours avec Sylvain Ricard, on est toujours en train de parler du CES, le Consumer Electronics Show, qui aura lieu en janvier à Los Angeles, comment t'appelles ça, le Los Angeles Convention Center, c'est ça? Oui, ben eux autres, ils disent le LVCC, donc le Las Vegas Convention Center, qui était supposé d'être agrandi, mais en 2008, avec la magnifique récession, tout a été arrêté. Il y a même des grands édifices qui ont été complètement arrêtés. Ouais, toutes les maisons à Las Vegas, écoute, ça se vendait là, des peanuts, là. Ouais, mais les arachides, on va dire, ils ont peut-être quand même de marque, là, mais... Pas non, c'est sûr, mais tu sais, pour le prix qu'ils se vendaient avant, quand tu compares, tu te rends compte que crime, ça allait pas super bien là-bas. C'est une belle place, par exemple, pour faire ça, hein, parce que, en fait... Oui, mais il y avait songé... Au tout début, c'était à New York. Je pense dans les années 70, au milieu des années 70, parce que là, ils sont pratiquement... Là, si ma mémoire est bonne, c'est la 44e édition qu'on va vivre en janvier 2013. Okay. Au début, c'était à New York. Ils ont songé, parce que justement, avec les bouchons de circulation qu'il y avait, avec les gens de Los Angeles qui descendent pour aller jouer dans leur petite machine à boules, plus... Il y avait un autre salon en parallèle avec des femmes un peu plus proéminentes. Ouais, c'est tout le temps en même temps, ça. Non. C'est l'Adult Entertainment Expo. Depuis, pardon? Est-ce que c'est l'Adult Entertainment Expo, c'est celui-là? Le EEE, ça ne dit rien comme nom. Subtil. Mais non, maintenant, depuis l'année dernière, ils ne sont plus en parallèle, sauf... Un autre show de ce niveau essaie de prendre la relève, mais... Il y a encore du travail à faire. La relève, François. Ça va le Donc, si on revient au CIS qui va avoir lieu en janvier, encore une fois, à toi, mettons. Moi. Sylvain Ricard. Oui. À quoi est-ce que tu t'attends? Dans quelle catégorie est-ce que tu penses qu'il va y avoir le plus de produits? T'sais, est-ce que ça va être les produits pour iPad, mettons? Tu m'enlèves les mots de la bouche parce qu'effectivement, c'est un secteur. La compagnie Apple, il faut mentionner, elle n'est jamais... Jamais. Ils sont au-dessus de ça, un peu comme Microsoft maintenant. Hein? C'est ça. Mais c'est plate, oui. Oui, monsieur. C'est des grosses compagnies qui ont besoin de... Ben, ils n'ont pas besoin de se faire voir, au contraire, mais nous autres, on a besoin de les voir. On veut savoir à l'avance, mais eux autres sont très, très... On fait notre conférence de presse pour parler de nos affaires, puis ça va être notre date qui va être à nous. T'sais? Oui, donc on contrôle tout. Par contre, pour ce qui est des produits connexes, donc... Les accessoires, merci. T'en as... Développeurs d'applications, j'imagine aussi. Oh, des développeurs d'applications, il y en a beaucoup. Et comme que je disais au début, les startups ont leur petite section à eux autres. Et quand je dis petite, encore une fois, désolé, mais... Mais c'est ça, c'est qu'ils ont peut-être pas autant d'affichage de grosses affaires qui flashent, mais sont quand même sont plus petits, un petit peu plus petits que les gros kiosques, mais quand même ils sont présents puis on les voit, puis ils sont parmi les autres, ils sont pas désavantagés nécessairement en ayant un plus petit kiosque, je pense pas. Non, le International Consumer Electronics Show. L'Atlas. Et ça m'arrive, on pense que c'est très au sud, mais il y a une année que sur des fontaines, il y avait de l'Atlas. Ah, ça me surprend, là. Oui, okay. Monsieur, il y a 2-3 ans, quand il faisait passablement chaud ici à Trois-Rivières, arrivé à Las Vegas, c'était plus froid. À l'année, est-ce qu'il paraît, il fait quand même froid? À l'année, ben disons, en janvier, quand j'y vais, si je me base à mon expérience, la moyenne est en Fahrenheit, 50-55 degrés Fahrenheit. OK. Ce qui nous donne, je sais pas, la conversion en fait, des Fahrenheit. Une douzaine de degrés. Ah, OK. Je pensais moins que ça. Ouais. OK, formidable. Et écoute, en 4 jours, en fait, parce que ça commence le lundi et ça se termine le jeudi inclusivement. Oui, et encore une fois, il y a je dirais pas des spectacles, mais... Des conférences. Merci. Des conférences qui débutent avant. Ah, OK. Oui, donc comme Storage Vision. Ça débute le 6 janvier. Okay. C'est pareil comme le 3, parce que moi, je suis un petit peu plus le 3. Je suis comme le CIS aussi, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Cette année, je vais essayer de me forcer encore plus. C'est quoi la différence entre les deux? Ben, le 3, c'est les jeux vidéo. Oui, okay. Oui, c'est le Electronic Entertainment Exposition. C'est dans le même endroit? Non. Le E3 est à Los Angeles. Oui. Oui, l'autre, c'est à Las Vegas. Oui. Wow, c'est clair, là. T'as bien raison. Et en 4 jours, est-ce que t'as le temps de faire le tour? Non. Je peux te dire d'avance, quand on revient, qu'on écoute d'autres émissions... Ils ont vu des choses que t'as pas vues? Tout ce qu'ils ont vu à 99%, je ne l'ai pas vu. Hein? Mais parce qu'ils ont du temps, eux autres, ils ont du gros budget, puis ils peuvent y aller à chaque affaire. Ils sont plusieurs, hein? C'est ça, ils sont plusieurs dans l'équipe. Tu mets une équipe là-dessus, puis... Oui, mais même si tu comparais avec une seule personne, comme je te dis, c'est immense. Et si tu voudrais juste t'arrêter à chaque kiosque, je te dirais... Pas, là. Non, ça prendrait un bon mois. Physiquement impossible, OK. Puis ils commencent à te parler, j'imagine, ou à te montrer leurs produits, quelque chose comme ça, quand t'arrives devant le kiosque. Oui, ben, des fois, comme l'année dernière, mes pieds ont dit non, on ne marche plus. Ah! En chaise blanche, le reste de la chose. Pas donc, tu t'assis et tu entends parler de télécommande avec des numéros. Il y a des affaires qui sont redondantes. C'est sûr que l'évolution des gadgets, okay, à chaque année, ça ne va pas nécessairement tant évoluer dans certaines catégories de produits. T'sais. Non, mais si on regarde d'autres catégories, comme les téléviseurs 3D... Parlons-en des téléviseurs 3D. Peut-être nouvelle génération qui pourrait s'en venir sans lunettes. Bon, c'est bien que tu parles de sans lunettes parce qu'il y a des gens qui ont déjà des lunettes et qui ne peuvent. Ah? Oh, ben, ah, ben tiens, non, non, elles sont subtiles. Non, non, c'est ça. Quand tu as des lunettes au cinéma, on s'entend que tu as. C'est un one size, donc ça, c'est une grandeur de tête et une façon que tes yeux sont placés et t'as pas de, tu peux pas modifier. Sur les lunettes de pour les télés, j'imagine que c'est plus ajustable un petit peu. Surtout au prix. Qui est vendu, j'espère bien. Genre 170$ pour une paire de lunettes, je sais pas quoi. Hein? Minimum. Minimum, c'est ça. Quand, en tout cas, quand j'en avais magasiné, j'ai dit non, ça va aller. mais c'est ça, si on pouvait avoir aucun besoin de lunettes, peut-être que je serais preneur. Pas trop souvent parce que le 3D, moi, je comprends pas l'intérêt. Pas juste ça, aussi, ça peut donner un certain mal de tête à la longue aussi. Pour beaucoup de gens, on entend ça parler. Et dépendant des technologies utilisées, parce que la 3D, il y a plusieurs technologies. Oui, le rouge-bleu ou encore les lignes d'aide, comment t'appelles ça? Je n'ai aucune idée comment ça s'appelle. Mais... Les filtres polarisants. Oui, voilà, voilà. Hein? Il n'est pas si bonheur que ça, tu le donnes, moi, quand même. Je me réveille tranquillement. Ouais. Donc, si on revient à peine 2 ans, ouais. La télé 3D sans lunettes, c'est un rêve. Ah non. Ça existait, mais sous forme de prototype. Ouais. Et quand on dit prototype, ben non accessible. Ça, c'est juste, là. Mmh. Donc, c'est juste pour montrer, regardez, notre compagnie est capable de vous montrer... du 3D sans lunettes. Mais c'était... l'emballage aluminium réfléchissant, mets-moi ça de chaque côté pour à peu près 2,5 pieds, 1 mètre de longueur pour les 4 si côtés. Lunettes, ouais. L'année dernière, oh, miracle, 4-5 compagnies avaient déjà des téléviseurs 3D sans lunettes. Bon, c'était un effet que je te dirais équivalent à 30% de si on est capable de conserver avec les 3D avec lunettes, mais il était directement comparable. Cette année, j'ose croire que l'évolution va être des plus positives. J'ose croire. J'espère pour eux autres, parce que j'ai pas envie de regarder ma télé directement assis devant et à une seule personne, parce que si t'es deux, oups, ça marche plus, t'sais? Non? Oui, il faudrait que pour ce qui est de l'angle, je crois que c'est environ 30 degrés. C'est pas beaucoup, 30 degrés, non? C'est mieux que d'être juste droit devant. Ah, faut voir la vie du bon côté. Et, ouais. Mais sinon, la question des télé 3D, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'on en parle des fois, une fois de temps en temps, puis tu sais, on n'a pas autant l'expertise que toi. Là. Mais tu trouves pas que les télé 3D, c'est pas nécessairement ce qui se vend le plus? Ou quand les gens l'achètent, c'est parce que ça vient avec et puis ils s'en servent pas vraiment? On s'en sert pas vraiment. De un, faut considérer qu'il y a pas beaucoup encore d'émissions. Bon, aux États-Unis, ce qu'ils essayent beaucoup de lancer, c'est avec le football qui est... Ouais, les sports. Ouais. Les sports. On avait vu les Canadiens aussi, il y a quelques années. Le nom ici me dit moins quelque chose parce que je pense qu'on entend moins parler. Ces émissions-là, passe-moi à la télé, je sais pas pourquoi. Non, c'est ça. Mais, ou sinon, les documentaires avec des animaux dedans, genre Discovery avait essayé ça. Ça, c'est une bonne idée. T'sais. Pour des événements spéciaux, je pourrais utiliser la 3D. Mais sinon, j'ai l'impression que dans les magasins, avant, les télé 3D étaient vraiment, tu sais, en plein centre de la place. Tu sais, acheter ça, c'est cool, c'est en 3D, nanana. Puis, tu sais, de plus en plus, les télé 3D sont comme juste avec les autres, tu les remarques pas trop. Et on dirait qu'ils mettent moins l'accent là-dessus. Mais les compagnies, eux, veulent toujours nous imposer ça. T'sais. Ah, c'est sûr. Ben, même, pour revenir aux compagnies, parce que là, on parle de 3D depuis tout à l'heure, mais c'est parce que là, quand ils ont vu que la 3D ne donnait pas les résultats du côté de vente, je présume. Okay. Maintenant, tout le monde connaît la haute définition, le 1080p. C'est nécessaire, oui. Oui, mais maintenant, on parle de 4K et de 8K. Ça, j'ai hâte. Pour vrai, ça m'excite. Parce c'est encore plus clean? C'est encore plus beau. Ouais. Non, mais tu sais, les signaux satellites de la télé sont super gros compressés. T'sais. Fait quand tu regardes une télé en HD, t'as l'impression, wow, c'est donc bien beau comparé à ce que j'ai avant. Ouais, mais regarde un Blu-ray, par contre. Regarde un Blu-ray en 1080p, comment c'est beau. Et après ça, imagine encore plus haut que ça. Oui, parce que ton Blu-ray 1080p, même si toi, tu as la télé, on va dire, par satellite deux compagnies... Ouais. Deux consoles de suite, pareil. Hein? C'est du 1080i, c'est pas du 1080p. Interlacé, donc c'est comme la moitié ou quelque chose comme ça. C'est ça, c'est en plein ça. Ouais. C'est, on va dire, on fait les lignes paires et après on fait les lignes impaires. Oui, ils font un et l'autre, alors que 1080p, c'est les deux en même temps. Puis, oui. Bon. OK. C'est flou un peu comme image, même dans ma tête, je suis pas sûr, mais c'est pas bon. Du i, c'est pas bon. Tu magasines une télé qui a un peu. C'est pas bon, c'est pas super. C'est moins bon. Ouais, c'est moins bon. D'accord, j'aime mieux le terme moins bon. Ouais. Dire que c'est pas bon. Ouais. Non, non, faut pas s'emporter non plus. Mais en fait, y a-tu aussi des formats TV extravagants qu'on voit là-bas? Ah. Des mètres de diagonale. Oh, ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté, je te dirais, à 103 pouces. Pour l'instant. 103 pouces. Oui. J'ai vu du 90 ici dans un magasin à Trois-Rivières. C'est énorme. Ah, parce que 103 pouces, ça fait 3-4 ans. C'est que maintenant, ils ne se battent plus sur... la grosseur. Non, c'est sur l'épaisseur. Oui, ben oui, mais c'est ça l'important aussi. Tu la mets sur un mur, tu veux pas qu'elle apparaisse et qu'elle ait un pouce. Mais en même temps, l'épaisseur, tu sais, c'est bien beau l'épaisseur. S'il faut que tu branches les fils en arrière. Parce que les compagnies qui font encore ça, hein, les prises sur le côté, c'est bon. Sur l'arrière, c'est pas bon. Mais maintenant, tu peux aussi avoir ta télé connectée par inductance. Oh, intéressant. Pas de fil. Oui, monsieur. Non, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur, non, monsieur. Ah, c'est cool. Ouais, c'est vraiment très, très cool. Donc là, on a beaucoup parlé de télé. Est-ce qu'il y avait d'autres catégories de produits que tu voulais aborder avant qu'on se quitte? Oh, on se regarde, c'est ça. Regarde. Pour les gens qui sont tannés de nous entendre placoter un peu, mais alors une bonne pièce de musique et je vais voir si mon cerveau peut... On reset ça. Oui. On écoute Carré Moinette avec l'extrait L'amour. Et puis on parle encore peut-être un petit peu d'électronique. Après ça, reste à l'écoute parce que l'index d'Anne-Julie s'en vient dans les prochaines demi-heures. Minutes, demi-heures, on verra. T'es tracé d'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Pile ou face, c'est sans importance. Laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres. On peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève. On peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. T'es blanc, qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'il faudra choisir un camp. Ah non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire à celle qu'on aime et qu'elle est belle. Recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire mouche et rentrer seul quand le soleil se couche. We'll be right back. Carrie Mouellette et l'amour sur l'album Fox. C'est un des extraits les mieux cotés sur iTunes en ce moment. J'aime bien. C'est un peu comme dans le temps, je regardais MySpace pour savoir lesquels étaient les plus écoutés. Là, sur iTunes, c'est lesquels sont les mieux cotés. Et puis ça donne ce que ça a joué là. C'était bon quand même. C'est très bon. Carrie Mouellette, tu peux difficilement te tromper. On ne se trompe pas. Dans quelques minutes, Anne-Julie Durocher sera avec nous pour la chronique L'Index. Salut Anne-Julie Durocher. Bon matin les garçons. Ça va? Bon matin. Ben oui. De quoi tu nous parles tantôt? On parle de films de Noël. Oh, est-ce que c'est ciné-cadeau? Ben bientôt, fait que c'est pour se mettre dans l'ambiance. On va appeler ça radio-cadeau. Ben oui. Ouais. Pour l'instant, c'est l'Info Campus, restez là. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Vous êtes toujours à Assemblage requis en ce mercredi 5 décembre 2012. François-Olivier Marchand est là. Mathieu Plante aussi. Ouais, Anne-Julie, elle. Ben oui. Ah, c'est vrai. Ah, Anne-Julie Durocher, of the rock. Non, c'est parce qu'elle vient de m'annoncer une très mauvaise nouvelle. Comment ça? En fait, pour sa dernière chronique, je pense qu'elle va nous parler d'une comédie musicale. Ouais, ben une série comédie musicale. Ah! Non! Non! Ça va être bon. J'ai hâte. Anne-Julie, est-ce que t'es prête? Ben oui. Je pense que oui. Fais ton mouvement de doigt magique comme dans Sabrina l'apprentie sorcière. Sur ton nez. C'est Samantha dans Ma sorcière bien aimée. Ouais, mélange pas les sorcières. Mélange, là. Le doigt, c'est Sabrina. Okay. Attention, lance la chanson, là. Comme ça? Jusqu'à ce qu'on nous pointe du doigt. Yeah. Un index qui réveille. Une toute petite voix. Bon matin, Julie. J'ai remarqué que dans ma chanson, il disait un index qui réveille. Oui. Tu sais, à chaque fois, je poke François. François, fait que genre, je trouve ça vraiment drôle. Tu le réveilles. Ben oui. C'est ça, c'est ta job. Ben oui. T'es obligé de me faire mal, toi. Ah, puis toi, ça me fait pas mal. Moi, j'ai pas de sentiments. Non. Hein? Vous autres, une bataille de pouces à la place d'une bataille d'index. Tu sais, là, les Tom Fight, là, comment ils appellent ça? Oh, ouais, bataille de pouces. Bataille de pouces. Faut y faire ça à la place, non? C'est moins violent? Non. Moins drôle. Bon. Donc, Anne-Julie, aujourd'hui, tu nous parles de films de Noël. Ben oui, je vous fais mon top 5 des films de Noël. Ça, je suis content parce que Noël approche à grands pas. Hein? Non! Je te dis. Ah, ben merci. Il reste quoi, 20 jours, là? Non, ben ouais. On est 5. Exactement 20, ouais. En fait. Ouais. Tu sais, 19 peut-être. Tu sais, souvent c'est 24. Le 24, c'est la veille. Mais en tout cas, il reste 20 chocolats sur mon calendrier de l'Avent. Est-ce que t'as deux calendriers de l'Avent, genre pour deux chocolats par jour? Ou? Ben. C'est le fun, ça, faire ça. Je suis sûr j'ai vraiment un coloc merveilleux qui m'en a acheté un. Okay. Parce que normalement, c'est mes parents qui m'en achètent. Puis là, ben, je les verrai pas avant Noël. Fait que je vais comme avoir mes autres calendriers de l'Avent après Noël. Quand je vais les voir. Mais on devrait en avoir toute l'année des calendriers de l'Avent. Oui, ouais. C'est vraiment le fun. C'est vraiment mon bonheur. Mais oui, donc je vous fais mon top 5 des films de Noël, étant donné que Ciné Cadeau va commencer bientôt. C'est pas un samedi qui s'en vient? Oui, il y a quelque chose comme ça. Là, Là, en fin de semaine? Je crois l'autre d'après. OK. Mais là, je suis pas certaine. Mais de toute façon, tous les films de Noël vont passer à peu près à toutes les chaînes de télé possibles et imaginables. Il y en a vraiment une panoplie. Mais là, moi, je vous fais mon top 5 des meilleurs films de Noël, ben, à mon sens, là, c'est seulement mon opinion. Très subjectif, très dans le moule de ce que t'aimes dans la vie. Ben, c'est ça. Fait qu'en numéro 5... Bon, des zombies? Ah. Non? Ben, tu verras. Okay. Zombie écoute, Christmas. Ça aussi. Est-ce que j'ai comme un drum, quelque chose, c'est comme numéro 5? Je peux t'y faire, par exemple. OK. Numéro 5! Oui. Dr. Zeus, How the Grinch Stole Christmas. Oh, le grincheux! Hein? Ben oui. Avec Jim Carrey, pas celui-là. C'est en plein ça! OK, pas l'original, non. Le vrai. Là. Non, le moi faux. J'aime celui avec Jim Carrey qui est sorti en 2000. Il est drôle, Jim Carrey. Donc, c'est mon numéro 5. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le film et qui vont l'entendre parler pendant le temps des fêtes, ben en fait, c'est la petite Cindy Lou Chou. Cindy Lou Chou. Cindy Lou Chou. Qui veut savoir en fait le pourquoi le Grinch aime pas Noël. Pourquoi qu'il déteste cette fête-là? Donc, elle va mettre toute la ville sans dessus-dessous. pour connaître les raisons qui font que le Grinch n'aime pas Noël. Donc, c'était en numéro 5. Tu veux le numéro 4 maintenant? Ben oui, numéro 4. Numéro 4! Oui, Joyeux Noël! Joyeux Noël, c'est quoi Est-ce ça? Est-ce que vous savez... Je me doutais que vous sauriez pas c'est quoi. C'est tellement générique comme nom, c'est comme sur les ondes de cette ouais, série. Ouais, non, non, je sais pas. Joyeux Noël, c'est un film français qui est sorti en 2005, qui est, dans le fond, qui raconte la trêve de Noël de 1914, donc, pendant la Première Guerre mondiale. Et ça a l'air déprimant. Ben non, vraiment pas, en fait. Là, hey, hey, je l'ai vu, ce film-là. Bon. Mais c'est vraiment bon. Je l'ai vu. C'est oui, c'est vrai que c'est bon. Mais c'est ça, tu sais, on s'entend que le contexte fait comme pas certain, parce qu'on parle de la Première Guerre mondiale. Ouais. Mais non, en fait, là, c'est on va justement. Ils font une trêve pour le temps des fêtes, puis ils se rendent compte que finalement, leurs ennemis, ils ont pas vraiment de raison de d'être leurs ennemis, mais pourquoi qu'ils continuent à respecter les ordres? Il y a une histoire d'amour mêlée là-dedans, parce que bien sûr, c'est un film de Noël, histoire d'amour, ça va bien. Film égale histoire d'amour aussi. Ouais, ouais, de toute façon, tu sais. Mais c'est très bien fait, c'est très bien écrit, le jeu des acteurs est vraiment excellent à mon sens. J'aurais peut-être même. Je regarde ma liste, là, puis je suis comme. Peut-être même 4, là, il est haut, tu sais. J'aurais pu le mettre plus bas, tellement que je trouve. Plus bas dans le nombre de dans le ouais, chiffre. C'est ça. Mais plus haut dans. Mais c'est vrai que c'est un excellent film. Écoute, ben, je me rappelais plus que j'avais vu ce film-là. Et puis, Mais c'est ça. Est-ce des acteurs qu'on connaît là-dedans? Pas vraiment. Non, pas, ça date quand même. Mais... Diane Kruger. Ça date de 2005. Ouais, c'est ça. Mais c'est très bien fait. Puis en fait, là, ça fait changement des autres films de Noël. Là, plus famille et tout ça. Là. Puis, juste, c'est historique en même temps. Donc, je vous suggère Joyeux Noël. Mais contrairement aux autres, justement, ce film-là passe un petit peu moins sur les chaînes de télé. Allez le louer ou sinon peut-être... Ça vaut la peine. Oui, c'est ça. C'est moins que sur les chaînes plus génériques là, de télévision. Là. Parfait. Donc, c'est Joyeux Noël, la version française de Merry Christmas. Vous ne le trouverez jamais si vous cherchez ça sur Google. Allez sur IMDb. Ouais. Ouais, moi, je l'ai trouvé sur Google. Joyeux Noël. T'as tapé Joyeux Noël puis c'est arrivé sur le film Joyeux Noël. Ben oui. T'es sûr que c'est arrivé sur des cartes de Joyeux Noël? Non, non. Sur des souhaits, non? Non, non. Ah, parce que IMDb, la version française, c'est Allociné. Je suis tombé là-dessus. Ouais, un genre de copieur français plus que version française. Ouais, mais ouais. Ouais, ben raison. Numéro 3. Numéro 3, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Ah! Et c'est ça, c'est en numéro 3. Tim Burton? Ouais. Ouais. Hein? Tout le monde connaît Tim Burton pour ses nombreux films. Le film L'étrange Noël de Monsieur Jack est sorti en 1993, la version anglaise de Nightmare Before Christmas. En fait, là, c'est un film d'animation de Disney. On voit le roi des citrouilles, en fait, là, qui vit dans la ville d'Halloween, qui est le maître de l'épouvante, qui, en fait, là, décide d'aller voir ailleurs, d'aller voir dans les autres villes et va découvrir la ville de Noël. Et après ça, il va revenir chez lui. Avec l'idée, en fait, là, que cette année, ça allait être la ville de Noël qui allait fêter l'Halloween. Donc, on mélange deux concepts de fête ensemble et ça donne l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mmh. Avec beaucoup de musique aussi dans le film. Oui, pour, ça chante. François, hein? Oui. C'est la musique. Ouais, j'adore ça. Comédie musicale, mais c'est pas vraiment une comédie musicale, là, mais la musique... Et c'est très bon. Numéro 2? Oui, 2. Le miracle de la 34e rue. L'original ou le remake? Le remake. Ah, Colin, t'es donc bien récent. Je suis vraiment dans les remakes. Ouais. Donc, le remake de 1994. Es-tu capable de me dire quelle année a été faite le premier sans regarder sur Google, Mathieu? Non, sûrement pas. 1947. J'allais dire. Donc, c'est Doris Walker, qui est une employée, en fait, là, de la chaîne de magasins Macy's. Qui cherche quelqu'un pour jouer le rôle du Père Noël comme dans toute grande chaîne de magasins. Et elle va, en fait, le tomber sur Kris Kringle qui prétend être le vrai Père Noël. Puis, en fait, là, devant le scepticisme de son employeur, il va, puis aussi de sa fille, là, il va essayer de leur prouver que Noël existe et qu'il est le vrai Père Noël. Et c'est vraiment là, une histoire de petite fille. Là. C'est pas le fun à Noël. Tu sais, en pyjama, avec un chocolat chaud, puis des biscuits, c'est tout le fun. Bon. Puis en numéro 1. Numéro 1. Oui, maman, j'ai raté l'avion 1 et 2. Oh, je pensais que t'allais dire le sapin a des boules. Non, mais... Ah, ben c'est... Non, ça, là... Je m'excuse. Peut-être que je vais offusquer des gens, mais je comprends pas l'intérêt. Avec le maudit sapin, il y a des maudites boules de marre. C'est drôle. Mais non. J'ai jamais vu ce film-là, puis tout le monde m'en parle. C'est tellement un film genre bidon qui a passé entre deux, mais au Québec, c'est comme « Wow, la grosse folie », tu sais. Non, non, au Québec, mais... les gens trippent sur le maudit sapin des maudites boules. Je suis d'accord avec toi, Mathieu. Ben, écoute, c'est quand même un succès dans le sens où... Un succès pantoute, en fait, vraiment pas. Ben, c'est relatif. Ben, c'est très relatif. Au Québec, c'est un succès, oui, tout à fait. Ben, moi, j'en ai un vraiment, un vrai succès. Maman, j'ai raté l'avion. C'est vrai. Un et deux. Mais pas trois et pas quatre. Non, un et deux. Ça s'arrête là. Trois et quatre, ça n'existe pas pour toi. Hein? Non. Mais c'est pas avec le même acteur. Ben, je sais bien. Ça fait partie de la même série. C'est pas le même acteur. Mais 1 et 2, c'est le même acteur. 3 donc... et 4, c'est pas non plus le même acteur. Non, dans c'est dans ça. On est bien. Fait que ça s'arrête à 2. Fait que c'est le premier est sorti en 1990, le deuxième en 1992. Donc, comme le titre le dit, c'est un jeune enfant qui rate l'avion. Ah ouais? Et il se passe plein de péripéties, autant dans le 1 que dans le 2. Le premier, il est chez lui, en fait, puis ses parents l'oublient. Ils partent vite pour l'aéroport. Ouais, c'est une grosse famille, nous. Mais c'est vraiment une grosse famille avec les oncles, les tantes, les cousins, cousines. Et il l'oublie à la maison et là, il devra affronter des dangereux criminels, en fait, là, des voleurs. Pourquoi ils font pas survenir, les parents? Ben, parce qu'ils sont rendus bon à partir. Ils sont rendus à Paris quand ils s'en rendent compte. Ils prennent l'avion pour qu'ils reviennent? C'est dans l'avion, en fait. Okay. Mais oui, mais là, c'est Noël, les avions sont comme pleins, là, c'est compliqué, puis il n'y a pas comme des avions tout le temps. Fait que c'est ça. Fait que le temps que ses parents reviennent, il doit affronter les casseurs flotteurs. Ils sont géniaux, par contre, ceux-là. Oh, oui. Et là, il se passe tout plein de mes aventures et je connais à peu près le film par cœur et je trouve les gags aussi drôles d'année en année. Ça, c'est très bon. Ça devrait être encore plus classique et plus aimé. On dirait que celui-là, ça, c'est vraiment bon. Ouais. Puis, t'as le 2 qui se passe à New York. En fait, celui qui a été fait en 1992, il réussit à prendre l'avion, mais il se trompe d'avion. Non! Il se ramasse à New York au lieu d'en Floride. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'il se passe encore, là, il rencontre encore les casseurs flotteurs qui sont rendus les casseurs poisseux, si je ne me trompe pas. Et là, qui se sont invadés de prison parce que grâce à lui... Les mêmes, c'est les deux mêmes? On dira pas la... Oui, c'est les deux mêmes. J'étais plus sûr. Mais on dira pas la fin, mais en tout cas, c'est ça. Fait que là, il rencontre les casseurs poisseux. Le petit gars, il meurt à la fin, là. Non, c'est un film de Noël. Mort étranglé. Non. Écoutez, maman, j'ai raté l'avion, c'est si bon. Un et deux. Hey, il y a un coffret DVD vraiment, vraiment, vraiment pas cher en ce moment en magasin. Je pense que c'était comme 15$, t'avais les 4 dedans. Ça. Fait que si tu comptes pas les deux derniers, ça fait comme 7$ du film. Ouais, c'est bon. Ben, moi, je les ai déjà, 50. Mais pour quiconque ne les a pas, vous pouvez acheter un super cadeau de Noël à quelqu'un. Puis c'est ça, puis regardez plein de films là, dans le temps des fêtes, il y en a vraiment plein de bons. C'est des cadeaux, là, on l'a dit. Ah oui. C'est ça. Il va avoir les 12 travaux d'Astérix, ça aussi, là. 15 fois là, par jour, ça, oui. Fait que, regardez ça. Regardez la télé. Ben, bien dit. Angie Durocher. Moi, ça m'amène, tu sais, on fera pas une chronique tout le temps de quoi avec ça, mais juste pour dire, tu m'amènes dans ton top 5, il y avait tellement de noms de films en français de merde. Tu sais, genre, sérieux, tu sais, t'avais Maman, j'ai encore raté l'avion et je suis perdu à New York. C'est le titre du film, tu sais. Oui, c'est vraiment ça. En anglais, c'est Home Alone 2 Lost in New York, tu sais. Simple. Maman, j'ai encore... Parce que tu sais, quand t'appelles ton film Maman, j'ai raté l'avion, là, s'il y a des suites, t'es comme fête, là, tu sais. Ouais. Fait qu'appelle-le donc autrement, parce qu'en français, c'est juste seul à la maison, tu sais. En anglais, excuse-moi. Ouais. Fait que tu sais, tu peux avoir des suites. Ouais. Tu sais, l'autre, c'était quoi l'autre que t'as nommé aussi? L'étrange Noël de Monsieur Jack. Mmh. Comment est-ce que Nightmare Before Christmas, le cauchemar avant Noël, devient l'étrange Noël? C'est tellement générique, non? Mais oui. Comme nom. Mais oui, je suis d'accord. Tu sais, ça se traduit tellement bien. C'est pour ça que je les ai dit en anglais aussi, je là, sais les bien, titres. Ça me déprime. Ben, en français puis en anglais. Tu vois, même à Noël, moi, je peux être grincheux. Mais oui. Mais oui. The Grinch. Avant de passer à notre amie Jasmine Raymond-Dréville qui a même pas enlevé sa tuque, son foulard et son manteau tellement elle a froid alors qu'on crève en studio, mais bon. On va écouter une pièce de Strange Christmas, mettons, si on veut le retraduire en anglais. Hein? Oui, Nightmare Before Christmas. Ouais, voilà. C'est la complainte de Jack. Ils me trouvent génial, mes mauvais tours les émerveillent. Tous les ans, c'est le triomphe et la gloire. Je leur fais des surprises quand la lune s'éveille et ils crient avant de m'apercevoir. Sans le moindre effort, je m'amuse à jouer aux fantômes et presque aussitôt, c'est la panique. Un seul geste banal, si l'on sait faire beau, fait fuir sur le champ l'armée la plus stoïque. Mais jour après jour, c'est la même déprime. Je n'éprouve plus rien en commettant mes crimes. Et moi, Jack, l'épouvantail, j'avoue me lasser de la même bataille. Dans mon vieux corps, il règne aujourd'hui une bien étrange mélancolie. Pour moi, la vie n'est qu'un long sanglot. Mon cœur éclate, la mort est mon lot. Je suis l'esprit du mal, le génie infernal. Les revenants ne vont pas en revenir. Je suis marié à la peur, l'horreur et la terreur, pour le meilleur et surtout le pire. Et comme je suis mort, je me sers de mon crâne pour réciter « Être ou ne pas être ». Lorsque l'envie m'en prend, mes cris fracassants résonnent à plus de 120 kilomètres. Un jour, pourrais-je me faire entendre, moi l'épouvantail qu'on dit privé d'entrailles. Je ne veux plus ma couronne. Comment pourrait-il comprendre s'il savait seulement comme j'aimerais la rendre. Je traîne sans but mes vieux os fourbus. Je me languis de l'inconnu. Pouvoir et gloire sont bien dérisoires face au néant de mon désespoir. La complainte de Jack, c'est de l'étrange Noël de Monsieur Jack à Assemblage. C'était bon! Oui! Oh. Ça part bien la journée. T'sais, si vous êtes comme réveillé sur ça, c'est clair que vous allez passer une belle journée. Oui, mais vous avez raté la chronique d'Anne-Julie. Donc, ben oui. Mais vous allez passer une belle journée. Réécoutez-la! Ben oui! Sur assemblagerequis.com. Tout ça, puis tout ça, là, puis tout ça. Toutes ces affaires-là. Hey, moi, M. Jack, là, qui chantait ici, là, me donne envie de moi aussi chanter. Moi aussi, je peux en faire une comédie musicale. Non, non, non, non. Oh, come on, François! A-G-E-Q-T-R-E-A-G-E-U-Q-T-A, peu importe ton âge, tu t'en vas à l'A-G-E-Q-T-A, parce que l'A-G-E-Q-T-A, ça pas d'âge. Yo, pro, pro. Et Jasmine Raymond-Rémy est en studio avec nous, bon matin. Salut. Ça va? Mais oui, vous? Tout en manteau et en mitoufleur. Pas chaud? Non. Très confortable. T'es sûr? Elle a une grosse tuque de laine, un foulard de laine, un gros manteau LOL. LOL? C'est en hommage à l'émission de Léa, c'est Lolé. Lolé. Lolé. Lola, Lola. Lola. Lola. LOL. LOL. Bon. Donc, AGEQTR, c'est toujours une chronique très sérieuse et, hein, n'est-ce pas? Écoutez. Hein? Écoutez pour voir. C'est vraiment sérieuse. C'est ça. Écoutez pour voir. Checker ma face. Ouais. Che Guevara. OK. OK. Donc, tu nous parles du 24 heures d'études. Oui, c'est pas mal la seule chose dont je peux parler, en fait, ce matin, parce que, étant donné que c'est la fin de session, c'est sûr qu'il y a moins... C'est long, une fin de session. C'est tout le mois de décembre. Moi, je trouve pas ça assez long. Moi, il me semble que j'aurais pris une semaine de plus. Ça de même. Bon. Mais, ouais, c'est vu qu'il y a pas beaucoup... en fait, vu que tout le monde va étudier tout ça, il y aura pas d'activité à part le 24 heures d'études. Oh, yeah! Qui revient encore une fois en force... en cette incroyable fin de session interminable. C'est quand? C'est où? C'est le mercredi 12 décembre. Ça commence à 8h le matin. Ça termine à 8h le lendemain matin. C'est ça. Fait que donc, dans c'est le fond, 24h. C'est 24h. C'est de d'où là que le ça titre. Vient, c'est en plein ça. Ouais. Fou, est-ce, hein? Est-ce que c'est gratuit? C'est gratuit. Pour tous? Oui, c'est gratuit. En fait, ça se passe au 10-12 du pavillon Néré-Beauchemin comme... lors des éditions précédentes. Entre les affaires qui ont été mises là par oui, les il y a gens, des espèces de paravents là, qui sont installés entre les tables pour faire des petits espaces clos. Lui, il veut dire quelque chose. Il y a des prises de courant aussi. Il y a des prises de courant. Pour les portables. Oui. Et pour n'importe quoi d'autre. Idée. Pour votre séchoir, pour tout ce que vous voulez. Vous allez faire péter le breaker. Vous pouvez amener tout ce que vous voulez. Le petit votre toaster, votre. C'est ça. Donc. Les smoothies. Dans le blender. Je parle bien matin. Dans le blender. Des boissons fruitées. C'est parce que ça fait du bruit un peu. Là. Ouais. Toaster, c'est plus discret un peu. C'est comme au centre d'achat quand tu vas manger au restaurant, puis là, t'as le Jugo Juice qui te parle à tondeuse. C'est ridicule. Non. T'as pas. Ouais. Fait que faites pas ça au 10-12. Amenez juste votre étude, là, puis... Il va y avoir du café avant. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a du café en vente, du café de la Chasse-Galerie, donc... Le meilleur. Il est si délicieux. Vous pouvez en boire. Il y a des boissons énergisantes aussi qui sont vendues. Fait que, c'est ça, vous venez dans le fond, là. Angie? En plus, le café, il est 1$. Ouais. Tu sais, c'est-tu comme pas merveilleux? T'es en fin de saison, t'as besoin de café. 1$. Tout le monde a une poignée de 25 cents dans sa poche. Oui. Tout le monde a 1$ dans sa poche. Tout le monde? Tout le monde. J'ai ça, sûrement. Oui. Mais il faut 1$ et 25 au moins pour le titre. Si vous êtes fin, c'est sûr. J'espère ingrats qui. Parce que pour les 25, normalement, vous avez juste un petit café. Ouais. Pas de type. Moyen. Ça? Là, c'est des petits suspens. Je sais pas, mais en tout cas, bref, c'est sûr qu'il vous revient moins cher de toute façon. Ouais. Donc, venez en grand nombre. Pour vrai, c'est super calme. En tout cas, moi, j'étais allée, puis c'est plus fun que la bibliothèque parce que t'es avec tes amis, puis tu peux quand même un peu parler sans te faire trop dévisager. C'est ça, on n'étudie pas nécessairement seul, on peut étudier en groupe. Oui, il y a des grandes tables là, qui sont installées ou des tables rondes, là, en fait. OK. De quelle sorte de matériaux? En bois. En bois, les pattes sont en métal. Cool. Et voilà. Donc, en tout cas, venez. Venez étudier. L'invitation est lancée. Rappelle la date et l'endroit. C'est le mercredi 12 décembre au 10-12 Niribeauchemin. Ça commence à 8h puis ça finit le 13 décembre, qui est un jeudi. Oui. Ça finit à 8h. Parfait. 24 le jour suivant le mercredi. Oui. C'est vraiment, ça. Vraiment. Je pense que c'est clair. Et on va en parler mercredi prochain encore. Mais toi, je pense qu'on te reverra peut-être pas, là. Non, parce que je pourrais venir, là, si vous voulez. Tu peux revenir en parler. Lever pour venir. Mais tu peux venir. Mettre mes chansons préférées. Plus tard. Oui, tu peux jouer de la musique. Tu peux faire ce que tu veux, finalement. Jouer de la musique. Je vais ramener ma flûte, moi. Non, ramène pas ta flûte. On peut faire un nouveau thème pour la GE. QTR. Parce que là, on l'avait fait pour Anne-Julie. Tu sais, fait peut-être que tu te sentais moins. Dans le texte, Anne-Julie. Moins concernée. Moins concernée. On pourrait la refaire avec toi. Sûrement que je vais avoir les mêmes paroles, par contre. Je vais y penser, OK. Pense-y. On préfère des intros chroniques pour tout le monde, on en a besoin. L'autre fois, on faisait j'ai fait une chronique, nouvelle chronique, qui s'appelle ce slogan vous va comme un va, comme un gant. Comme un bar. Tu sais, j'avais besoin de tes inspirations, peut-être tes instruments, pour faire une bonne intro. Parce que là, à la date, c'était genre c'était slogan vous va, slogan booba, slogan vous va comme un gant, gang, gang, gang. Ouais, quelque chose comme ça. Ça fait bizarre avec la musique de la GIA derrière. Je t'ai-tu vu sacré? Hein? Booba! Tout le monde l'a dans la tête depuis que ça a joué, je te jure. Ça me tente pas de l'avoir dans la tête, fait que fais-la pas jouer. Ah, c'est tout à fait. Mais bref, en tout cas, je vais peut-être revenir la semaine prochaine, mais j'aurai pas vraiment beaucoup d'activités. C'est pas grave, auxquelles vous invitez. On va parler de ta tuque puis de ton foulard encore. Parfait. Peut-être que je les aurai pas. Oh. Qui sait, demain est un autre jour, fait que mercredi prochain encore plus. Parce que c'est dans 7 jours. C'est ça. 7 jours, c'est comme une distance d'une semaine. Voilà. Comme 24 heures, c'est la distance d'une journée. Ouais. On apprend des choses, je Jasmine Raymond-Drainville, merci, t'es fine. Merci. T'es bien habillée. Quoi? Vous êtes fin, vous êtes aussi. Bon. Ouais. Sympathique avec les gens. Ah, oh, tout le temps. Lien d'intimité. Vois ça, On va prendre une pause après cette pièce de notre Manolo National. Oui. Il doit être écœuré. À chaque fois qu'on l'a fait jouer, c'est fou. On dit tout le temps la pas pièce chaque de Manolo. Fois. En tout cas, peut-être pas nous autres. Je sais que Danny Janvier le dit à chaque fois. moi aussi, des fois, souvent. Puis il doit être tanné. Mais Manolo. Maxime Desbiens Tremblay, avec sa pièce Rien de mieux. Il est bon, en plus. C'est quoi cette manie-là qu'on a de courir après ceux qui s'en vont? Chaque sourire a besoin de son chat, sinon les deux tournent en rond. Mais moi, j'ai rien trouvé mieux que ton sourire qui s'éparpille. J'ai rien trouvé mieux. T'es plus qu'un one night, t'es plus qu'un rebound. T'es un jab sur ma tête qui met à terre au premier round. Tu me dis que tu m'aimes pas, que tu te sens bien dans le célibat. Tu sais trouver les mots pour faire tomber les cœurs. Tu me parles de lui, de l'autre, du seul à qui te dit oui. Tu me parles de moi aussi. Tu me trouves beau, tu me trouves drôle, je te trouve belle dans ta robe.

voilà, qui aurait vraiment des effets stimulants, okay. Effectivement. Aurait, donc, encore c'est, là, c'est une supposition. C'est une supposition. Il y a un effet, il y a un effet d'atténuation quand on est habitué à la caféine. Ouais. L'effet stimulant est plus aussi fort, mais ça, c'est une autre question. Ouais. Tout simplement pour dire, dans le fond, que je voulais démythifier cette chose-là, qui est totalement pas vrai de dire que le sucre... Mais qui est fortement ancré dans notre société. Et qui est fortement ancré dans notre société. Vous allez probablement l'entendre. Ben, en fait, puis sincèrement, écoute, j'y croyais. Il y a bien des choses qui ont l'air vraies dans la société. Et voilà, et voilà, et voilà. Des fameuses petites constructions. Donc voilà, c'était ma chronique. J'aimerais faire un petit lien avec ce que vous avez, avec un chroniqueur que vous avez eu plus tôt dans votre émission. Vas-y. Je ne déclare aucun lien. Je n'ai aucun lien avec l'industrie. Il n'y a personne qui m'a envoyé un paquet de carottes pour parler contre le sucre. Oh! Oh! Oh! Ça aurait pu! Ça aurait pu! Ah, je pense que t'allais dire, moi non plus, je suis pas fan du sapin des boules parce que j'ai reçu mon commentaire dans le message texte. On parlait du sapin des boules dans la chronique d'Algérie. Merci, Maxime. Bilodo! Ça fait plaisir, messieurs. Merci. À la semaine prochaine. Mercredi, oui, à 8h30. Yes. Facilement dans le top 3 des Maximes à l'émission. Facilement dans le top 3. Vous avez 3 Maximes. 3 Maximes, c'est dit. 3 Maximes. Ça ben, il en faudra un quatrième au moins pour un peu me démarquer. C'est ça. Non, mais sans blague, on t'apprécie beaucoup et ne nous quitte jamais. Oh mon Dieu, je pleurais. Maxime Bilodo. Oh, il est fin. Donc, on va écouter une pièce des 3 accords. Après ça, on revient, on se dit bye, puis il va y avoir la chronique de Régis Chevrier qui s'en vient aussi. Donc, exercice des 3 accords. Ça a un lien, ça. Tout arrêt sur ce banc nous est interdit. Il est fait pour ceux qui le regardent vu d'ici. Ce trottoir fut conçu spécifiquement pour pouvoir s'y promener sans s'arrêter devant. D'accord, et la pièce exercice à Assemblage Rocky, c'est là-dessus qu'on va terminer l'émission. Ça donne bien, hein? Ouais. Mm-hmm. On remercie Maxime Bilodo. Oui, merci Maxime. On apprend tout le temps avec lui. Toujours, toujours. C'est sucré. On s'est sucré le bec. Ça fait bizarre, dis-moi. Alvie Durocher, Jasmine Raymond-Drainville, Sylvain Ricard qui nous a parlé du CES en début d'émission. Toi, François-Olivier, merci. Mathieu Plante. Merci aux requins d'avoir écouté. Restez à l'écoute à partir de 11h pour le dîner de cons. Ensuite, à 13h, les filles de connaître ensemble. À 14h, les émissions que vous avez ratées pendant la semaine, donc le voyage insolite, album classique, l'examen final. Et ensuite, on revient en direct. À 17h, c'est le Big Mac Show avec du rap. À 19h, c'est Électro-Tactile avec l'électronique. Et on continue en trance avec Psy-TR à 21h et Transformer à 22h. Allez voir cf.ca pour les, la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, tous les liens, la balado-diffusion de cette émission que j'ai déjà trouvé le titre en bouche d'extre. En bidextre de la bouche. Je suis installé en même temps. On va se quitter avec la chronique de Richelry, sac à dos. J'ai un petit peu épuisé, mais comment dire, mon stock de jeux de mots pour sac à dos. On a déjà fait les sacs à dos. Les ouais, sacs écoute, ouais. Ça commence à tirer sur la fin. Laisse-moi penser, c'était saccadé. Ouais. C'est un jeu de mots pour la chronique qui s'appelle Sadako. Fait qu'il faut que je trouve des nouveaux jeux de mots, puis j'en ai plus. Ça devient plate un peu. Fait que t'en feras pas aujourd'hui. J'y pense. J'y pense à ne pas en faire, mais en même temps, j'ai pas le choix. Faut. Vas-y donc, voir. J'en ai pas, je fais quoi dans ce temps-là? J'en invente un? Ouais. Sac à dos. Sadako, sa-ha-ka. Non, y'en a pas. Y'en a pas. Moi. Écoute, des jeux de mots, je suis pas reconnu comme toi. Là. Non, en fait, t'es pas du tout reconnu. Je te regarde, puis passe pas partout. Hey, bye. Salut. À demain. L'univers de Sadako par M. Régis Ollery.